Chapitre 35. Madame Fanny Dashwood avait une telle confiance dans le jugement de son mari que, dès le jour suivant, elle vint en personne faire visite à Madame Jennings et à Lady Middleton, et cette confiance ne fut pas trompée. La vieille amie de ses belles-sœurs, quoique un peu commune, lui plut assez par ses prévenances, et Lady Middleton l'enchanta complètement par son bon ton et son élégance. Cet enchantement fut réciproque. Il y avait entre ces deux femmes une sympathie de froideur de cœur et de petitesse d'esprit qui devait nécessairement les attirer l'une vers l'autre. Elles avaient la même insipidité dans la conversation, la même nullité d'idées. Seulement Fanny avait un fond d'avarice et d'envie qui se manifestait en toute occasion, et Lady Middleton une indifférence parfaite pour tout le monde, excepté pour ses enfants. Madame Dashwood lui plut mieux qu'une autre femme sans qu'elle lui pût dire pourquoi. Mais ce n'était pas de l'amitié, elle en était incapable. Fanny ne réussit pas aussi bien auprès de Madame Jennings, qui lui trouva l'air fier, impertinent, et qui vit qu'elle ne faisait aucun frais pour plaire, qu'elle n'avait rien d'aimable ni d'affectueux même avec ses charmantes belles-sœurs à qui elle parlait à peine, et qu'elle ne s'informait point de la santé de Maria qu'elle devait trouver changée. En effet, elle ne disait rien à Elinor, ne témoignait aucun intérêt pour leur plaisir, leur demandait à peine des nouvelles de leur mère d'un air glacé et sans écouter la réponse. Elle ne fut avec elle qu'un quart d'heure et resta au moins 7 minutes en silence. La bonne et vive Madame Jennings s'en fut indignée et ne se gêna pas de le dire lorsque Fanny fut partie. Elinor aurait fort désiré d'apprendre d'elle si Edward était à Londres, mais Fanny n'avait garde de prononcer devant elle le nom de son frère jusqu'à ce que le mariage de l'un avec Miss Morton et de l'autre avec le colonel Brandon, les eût séparés à jamais. Elle les croyait encore trop attachés l'un à l'autre pour ne pas trembler tant qu'ils seraient libres, et son étude continuelle était de chercher à les éloigner de toute manière. Elle ne parla donc point de son frère, mais Elinor apprit d'un autre côté ce qu'elle voulait savoir. Lucie vint réclamer sa compassion sur le malheur qu'elle éprouvait de n'avoir pas encore vu son cher Edward, quoiqu'il fût venu à Londres avec M. et Mme Dashwood pour se rapprocher d'elle. Mais il n'osait pas venir la voir chez ses parents d'Holborn, qui ne le connaissaient point. Et malgré leur mutuelle impatience, tout ce qu'ils pouvaient faire pour le moment, c'était de s'écrire tous les jours. Elinor, qui ne pouvait se fier tout à fait à la véracité de Lucie, et qui voyait le but de ses confidences, doutait encore. Mais elle ne tarda pas d'avoir la conviction qu'Edward était véritablement à la ville. Deux fois, en rentrant à la maison, elle apprit qu'il était venu et trouva sa carte. Par une contrariété naturelle au cœur humain, elle fut bien aise qu'il eût pensé à venir, et plus aise encore de n'y avoir pas été. M. John Dashwood ne perdait pas de vue le mariage supposé de sa sœur aînée avec le colonel Brandon. Ainsi qu'il l'avait dit, il voulut l'inviter à dîner chez lui. Il ne fallait pas moins qu'un motif de cette importance pour les décider lui et sa femme à cette dépense. Fanny y consentit cette fois, et par l'espoir qu'Elinor en épouserait un autre que son frère, et par celui d'être invitée à son tour aux fréquentes fêtes de Sir George et à ses dîners qui étaient en grande réputation, tant pour le talent de son cuisinier que par l'élégance du service. C'était donc semé pour recueillir. En effet, peu de jours après que la connaissance fut faite, on reçut une invitation en forme pour dîner le jeudi suivant chez Madame John Dashwood à Harley Street, où ils avaient loué pour 3 mois une jolie maison. Ses deux belles-sœurs, Madame Jennings, les Middleton et M. Palmer, acceptèrent. Charlotte, sur le point d'accoucher, ne sortait plus. Le colonel Brandon fut surpris d'être du nombre des convives, ne connaissant pas du tout Madame Dashwood et n'ayant vu qu'un instant son mari, qui ne lui avait fait qu'un accueil demi-poli. Mais il aimait trop à être avec Mademoiselle Dashwood pour en refuser l'occasion. Madame Ferrars devait aussi en être. Mais on ne nomma point ses fils, et Elinor n'osa pas s'informer s'ils y seraient. Quelques mois auparavant, elle aurait été vivement émue de la seule pensée de se rencontrer avec la mère d'Edward, et de lui être présentée. Actuellement, elle pouvait la voir relativement à elle-même avec une complète indifférence. Elle le croyait du moins, et rejeta entièrement sur la curiosité l'intérêt qu'elle mettait à la connaître. Cet intérêt, mais non pas son plaisir, acquit un degré de plus en apprenant que Lucy Stiles serait aussi de la partie. D'après ce qu'elle savait de la hauteur de Madame Ferrars, La bonne Elinor, sans aimer Lucie, ne pouvait s'empêcher de la plaindre d'avance de la manière dont elle en serait traitée, ce qui lui serait d'autant plus sensible qu'elle y était volontairement exposée. Dès que celle-ci apprit ce dîner, elle se hâta de rappeler une invitation assez vague que Lady Middleton avait faite aux deux sœurs Steeles lorsqu'elles se séparèrent à Barton, de passer une quinzaine de jours chez elle à Londres. Lady Middleton l'avait oubliée, mais l'adroite Lucie porta à la petite Célina un joli panier plein de bonbons et lui souffla de demander à sa maman que ses bonnes amies Steeles vinssent demeurer avec elle. Les demandes de Célina n'étaient jamais refusées. Une heure après, la voiture de Lady Middleton arriva à Holborn avec une prière insistante aux demoiselles Steeles de se rendre sans délai au désir de Célina avant que la charmante petite pleurât ce qui lui faisait un mal affreux. Une fois établie chez leurs nobles parents, elle devait être invitée avec eux et elles avaient un droit de plus de lettres chez Madame Dashwood, à qui il n'était pas encore inconnu, au moins de nom, puisque leur oncle avait été instituteur de son frère. Mais il suffisait qu'elles fussent logées chez Lady Middleton et qu'elle les protégeât pour être bien reçues. Lucie était au comble de la joie. Elle allait enfin être introduite dans cette famille qui devait être un jour la sienne. Elle pourrait satisfaire sa curiosité, les examiner, juger des difficultés qu'elle aurait à surmonter, avoir une occasion de leur plaire. Elle n'avait pas encore eu dans sa vie un aussi grand plaisir qu'en recevant la carte de Madame Dashwood. Mais ce plaisir aurait été diminué de moitié si elle n'avait pu y joindre le chagrin de sa rivale. Elle se hâta d'aller lui faire part de son bonheur. Elinor eut beaucoup de peine à lui cacher ce qu'elle ressentait, et n'y réussit peut-être pas, car la joie de Lucie augmenta en voyant un nuage sur le front d'Elinor lorsqu'elle lui dit qu'Edward y serait sûrement. À moins, ajouta-t-elle, qu'il ne craigne de se trahir. Il lui était impossible, lorsque nous étions ensemble, de cacher l'excès de son affection, et cette raison l'empêchera peut-être d'y venir. Quelque cruel que fût ce motif pour la pauvre Elinor, elle en désirait au moins l'effet. Voir Edward pour la première fois depuis leur séparation et le voir avec Lucie, elle croyait à peine pouvoir le supporter. Ce jeudi si désiré, si redouté, qui devait mettre les deux jeunes rivales en présence de la future belle-mère, arriva. Elinor avait acheté la veille une charmante toque en fleurs avec des plumes blanches dont elle voulait se parer ce jour-là. Lucie, qui venait continuellement chez Madame Jennings pour y voir sa chère amie, se trouva là quand on la porta. Elinor l'essaya. Elle essayait à ravir, et malgré toutes ses raisons, elle ne fut point fâchée de le trouver elle-même. Le jeudi matin, Lucie arriva, plus caressante, plus tendre qu'à l'ordinaire. « Elle avait honte, dit-elle, de ce qu'elle venait lui demander. Mais sa chère Elinor était si fort au-dessus de ses bagatelles, elle avait si besoin de parure, elle était si indifférente sur ce moyen de plaire en ayant tant d'autres. Et pour cette grande occasion, il était si essentiel à Lucie de les tous employer. Elle devait à Edward de se faire aussi jolie qu'il lui serait possible la première fois qu'elle paraissait devant sa mère. » Si Edward lui-même s'y trouvait, c'était un motif de plus qu'il ne devait comprendre. Elle espérait donc de sa complaisance, de son amitié, qu'elle voudrait bien, pour ce jour-là, renoncer à la jolie toque qui la coiffait si élégamment et de la lui prêter. Elle avoua, en rougissant, qu'elle n'était pas assez en fond dans ce moment pour s'en acheter une semblable, ce qu'elle aurait fait sûrement, eût-elle dû la prendre à crédit, si elle n'avait pas compté sur la bonté de sa chère Elinor. Mademoiselle Dashwood frémit de penser qu'elle avait failli arriver au dîner coiffée exactement comme Lucie, et se trouva heureuse en comparaison de lui céder sa jolie toque, qu'elle regrettait bien un peu, mais qu'elle prit à Lucie d'accepter. Cette dernière s'en empara bien vite, également enchantée qu'elle fût sur sa tête et non sur celle d'Elinor. « Bon Dieu, ma chère, lui dit-elle, plaignez-moi, je vous en conjure, vous êtes la seule personne qui saura ce que je souffre. À peine puis-je marcher tant je suis émue en pensant que dans quelques heures je verrai la personne dont tout mon bonheur dépend, celle qui doit être ma mère. Mettez-vous à ma place, mais c'est impossible. Il faut aimer Edward comme je l'aime pour comprendre l'état où je suis. » Elinor aurait pu diminuer cette émotion ou la faire changer de nature en lui disant que vraisemblablement c'était la belle-mère de Miss Morton plutôt que la sienne qu'elle allait voir. Elle ne le dit pas, mais elle lui assure avec tant de sincérité qu'elle la plaignait infiniment que Lucie en fut presque piquée. Elle espérait être pour Mademoiselle Dashwood un objet d'envie plutôt que de compassion. Enfin, elles arrivèrent chez Madame John Dashwood. Sa mère, au bout de la chambre, étalait dans un grand fauteuil sa chétive personne et saluait à peine avec un air de protection. Elle était petite, maigre, se tenait extrêmement droite, avait de la roideur dans tous ses mouvements. Sa physionomie était sombre ou du moins très sérieuse. Elle ne se permettait de sourire que lorsqu'elle disait un sarcasme. Son teint était brun, tirant sur le jaune, ses traits assez petits et sans beauté. Une contraction habituelle de ses sourcils empêchait sa physionomie d'être complètement insignifiante, mais lui donnait en échange une forte expression d'orgueil et même de méchanceté. Elle ne parlait pas beaucoup, contre la règle générale. Elle proportionnait le nombre de ses paroles à celui de ses idées. Et dans le peu de syllabes honnêtes qui lui échappèrent à l'arrivée des hôtes de sa fille qui lui furent présentées, il n'y en eut pas une seule adressée aux demoiselles Dashwood qu'elle regardait intérieurement avec dédain et avec malveillance. Cette conduite ne pouvait plus influer sur le bonheur d'Elinor. Peu de mois auparavant, elle en aurait été excessivement blessée et affligée. Mais il n'était plus au pouvoir de Madame Ferrars de produire cet effet sur elle, et la différence de sa manière avec les demoiselles Steeles, dont le seul but était d'humilier encore Mademoiselle Dashwood, l'amusa au contraire beaucoup. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire de l'air affable et presque amical avec lequel la mère et la fille distinguèrent Lucie, surtout, et des peines que celle-ci se donnait pour leur plaire, peines qui allaient jusqu'à la bassesse. Madame Ferrars avait un vieux petit bichon, seul être qu'elle put aimer et qui ne la quittait point. Lucie le caressait exactement comme elle caressait Célina Middleton. Elle s'extasiait sur cette charmante petite créature, allait lui ouvrir la porte s'il voulait sortir et l'attendait pour le rapporter à sa maîtresse. Elle admirait l'éclat du beau satin cramoisi de la robe de Madame Ferrars et la beauté de ses poings. Elle allait chauffer le coussin qui était sous les pieds de cette dame. Quand Lady Middleton s'éloignait un peu, elle déclarait que Madame John Dashwood était la plus belle femme qu'elle eût vue de sa vie et qu'elle ressemblait beaucoup à sa mère, etc., etc. Enfin, à force de flatterie, elle se rendit si agréable à l'une et à l'autre que même Madame Ferrars, qui ne s'humanisait jamais avec ceux qu'elle regardait comme ses inférieurs, lui adressa quelques mots obligeants et déclara que ces jeunes Miss Steeles avaient le ton de la meilleure éducation et que bien des demoiselles qui se croyaient des modèles n'en approchaient pas. Elle lança en même temps un regard sur Elinor, qui riait en elle-même, en pensant à quel point la faveur et les grâces de Madame Ferrars étaient mal placées, et qu'elle se changerait bien promptement en fureur, si elle se doutait que cette jeune audacieuse, qu'elle trouvait si charmante, parce qu'elle n'était pas Elinor, pensait à épouser son fils. Fanny faillit à lui en donner l'idée. « Mademoiselle Steeles, dit-elle à sa mère, sont les nièces de M. Pratt, chez qui Edward a étudié. »« Vraiment ?» dit Madame Ferrars en relevant le sourcil. « Vous connaissez donc mon fils ?»« Très peu, madame, » dit Lucie avec assurance. « Nous ne demeurons pas auprès de mon oncle. »« Tant mieux pour vous, » dit Madame Ferrars avec humeur. « Il n'entend rien à l'éducation. » Lucie redoubla ses flatteries qui lui réussirent de nouveau. Elle était au troisième ciel, en se voyant ainsi distinguée, et ne daignait plus parler à Elinor. La grosse Anna même se rengorgeait avec fierté en pensant qu'elle était la sœur de la future belle-fille de Madame Ferrars. Maria était encore plus rêveuse, plus silencieuse qu'à l'ordinaire. À sa tristesse habituelle se joignait le chagrin qu'elle supposait à Elinor de ne pas voir Edward, et celui qu'elle en ressentait elle-même. Elle l'aimait déjà comme un frère favori, et bien plus que celui qu'elle tenait de la nature. L'homme qui devait faire le bonheur de sa chère Elinor était au premier rang dans son cœur. Elle était venue presque avec plaisir à ce dîner, malgré son aversion pour la plupart des convives, dans l'unique espoir de voir Edward. Et cet espoir était trompé. Edward n'y était pas. Elle regardait sa sœur avec un étonnement douloureux, et ne pouvait comprendre qu'elle eût la force de supporter une mésaventure aussi cruelle. Le colonel Brandon, placé entre les deux sœurs, se serait trouvé fort heureux si la politesse fastidieuse du maître et même de la maîtresse de la maison lui avait laissé le temps d'en jouir. Tous les meilleurs mets, tous les meilleurs vins lui étaient adressés. M. Dashwood lui demandait son opinion sur tout et s'y rangeait à l'instant. Dès qu'il y avait un moment de silence entre lui et ses voisines, il disait à ses sœurs « Allons, mesdemoiselles, parlez à votre aimable voisin, ne souffrez pas qu'il s'ennuie. » On aurait dit que la fête était pour lui seul, et il ne pouvait comprendre le but de tant d'honnêteté dont il était fatigué. Le dîner était magnifique, ainsi que les donnent ceux qui invitent rarement, et ni le nombre des plats ni celui des laquais n'annonçaient cette pauvreté dont il s'était plaint à sa sœur. Elle ne se faisait sentir que dans la conversation. Mais il est vrai que de ce côté-là, le déficit était considérable, tant chez les maîtres du logis que chez la plupart des convives. Manque de raison, manque d'esprit, soit naturel, soit cultivé, manque de goût, manque de gaieté, manque enfin de tout ce qui rend un repas agréable. Quand les dames, suivant l'usage, se retirèrent après dîner pour le café, cette pauvreté fut encore plus en évidence. Les hommes mettaient au moins quelques variétés dans le discours, quelques mots de politique, de chasse, d'agriculture, mais il n'en fut plus question. On avait épuisé avant dîner l'article des meubles et des parures. À la grande satisfaction de Lucie, sa toque avait été fort admirée. Et la simple coiffure d'Elinor, qui n'était que ses jolis cheveux bruns retenus par un fil de perles, regardait avec dédain. En sorte qu'après une longue digression sur la bonté du café, le seul sujet d'entretien fut de comparer la grandeur de Henry Dashwood et celle de Williams, le second fils de Lady Middleton, qui était à peu près du même âge. Si les enfants avaient été là tous les deux, la question aurait été promptement décidée en les mesurant. Mais il n'y avait là que Henry, et il fallut s'en rapporter à l'opinion des témoins. Celles des demoiselles Steeles, qui passaient leur vie avec les petits Middleton, furent surtout demandées par leur mère, et de cette manière qui veut dire « décider en ma faveur ». N'est-ce pas, Lucie, que Williams a au moins deux doigts de plus que Henry Dashwood ? Lucie fut horriblement embarrassée. À qui fera-t-elle sa cour ? Enfin, l'amour l'emporta sur l'amitié, et après avoir un peu hésité, elle dit qu'elle croyait, qu'il lui semblait, que M. Henry avait quelques lignes de plus. Lady Middleton exprima par un regard son mécontentement, mais Lucie fut dédommagée par un doux sourire de la sœur d'Edward. Elinor trouva sa flatterie d'autant plus méprisable qu'il était évident que le petit William était beaucoup plus grand que son neveu. Elle le dit quand on lui demanda son avis. Fanny et Mme Ferrars répondirent avec aigreur qu'elle se trompait. Et Maria déplut à tout le monde en disant qu'elle n'y avait fait nulle attention. Bientôt, une autre bagatelle mit en scène sa vivacité de sentiment et l'irritabilité de ses nerfs. Avant de quitter Norland, Elinor avait peint à sa belle-sœur de charmants écrans de cheminée. Il venait d'être monté dans le dernier goût. Les hommes étaient rentrés au salon et entouraient le feu. John Dashwood, allant toujours à son but, en prit un et le montra au colonel. « Voyez, lui dit-il, c'est ma sœur Elinor qui a peint cela. Vous qui êtes un homme de goût, vous les admirerez. Je ne sais si vous connaissez son talent pour le dessin. Elle passe généralement pour en avoir beaucoup. » Le colonel, sans être grand connaisseur en peinture, les admira infiniment. La curiosité générale fut excitée, et les écrans passèrent de main en main. Lorsqu'ils furent dans celle de Mme Ferrars, qui ne s'y entendait pas du tout, et qui ne pouvait se résoudre à louer Elinor, elle les fit passer à sa voisine sans dire un seul mot d'éloge. « Ils sont peints par Mademoiselle Dashwood, l'aînée, ma mère, dit Fanny. Ne les trouvez-vous pas très jolis ?» Elinor, surprise de la courtoisie de sa belle-sœur, lui en savait gré. Mais sa reconnaissance ne fut pas de longue durée. Fanny ajouta « Regardez-les, maman. Voyez si ce n'est pas à peu près le même genre de dessin que ceux de Mademoiselle Morton. Mais celle-ci peint encore plus délicieusement. Le dernier paysage qu'elle a fait est vraiment très remarquable. »« Extrêmement beau, » dit Madame Ferrars. « Elle excelle dans tout ce qu'elle fait et rien ne peut lui être comparé. » Mais aussi elle a une éducation si brillante, tant de talents naturels. » Maria, la sensible, la vive Maria, ne put supporter ce qu'elle regarda comme un outrage à sa sœur. Elle était déjà très irritée du ton et de la manière de Mme Ferrars, mais de tels éloges donnés à une autre aux dépens d'Elinor provoquèrent son ressentiment. Quoiqu'elle n'eût encore aucune idée des projets sur Mademoiselle Morton, mais cédant comme à son ordinaire à son premier mouvement, elle dit avec vivacité « Voilà en vérité une singulière manière de voir et d'admirer les ouvrages de ma sœur. En faire un objet de comparaison pour les rabaisser, c'est du moins peu obligeant. Qui est cette demoiselle Morton à qui personne ne peut être comparé? À propos de quoi est-il question d'elle et de ses talents? Qui intéresse-t-elle ici? Et mon Elinor nous intéresse tous. » Alors, prenant les écrans de la main de sa belle-sœur et les montrant encore au colonel, « Il faut, dit-elle, n'avoir pas le moindre goût, le moindre sentiment du beau pour ne pas les admirer, et pour penser à autre chose quand on les voit. » Madame Ferrars rougit de colère. Ses petits yeux s'enflammèrent, ses sourcils s'élevèrent d'un demi-pouce et se touchèrent. « Je croyais, dit-elle, que tout le monde ici savait que Miss Morton est la fille de feu Lord Morton. J'oubliais que Mademoiselle Dashwood ne sont jamais venues à Londres et ne peuvent connaître le beau monde. » Fanny aussi avait l'air très courroucée, et son mari était tout effrayé de l'audace de Maria. Il s'approcha d'elle, la mena dans l'embrasure de la fenêtre et lui dit à voix basse « Est-ce qu'Elinor ne vous a pas dit qu'Edward doit épouser Miss Morton? Vous auriez mieux fait de vous taire. »« Edward? Épouser Miss Morton ?» s'écria Maria. « Jamais, jamais, c'est impossible !» Et poussée par son sentiment pour sa sœur chérie, ainsi méprisée et rejetée par toute une famille qui devait l'adorer, elle vint s'asseoir à côté d'elle, passant un bras autour de son cou et posant sa joue contre la sienne, elle lui dit à l'oreille « Chère, chère Elinor, ne souffrez pas que de tels gens aient le pouvoir de vous rendre malheureuse. Ne craignez rien. Edward ne pense pas ainsi. Je le connais. J'ose vous répondre de sa fidélité. En dépit d'eux et de leurs projets, il n'aime, il n'épousera que vous. » Elinor, touchée de l'affection de sa sœur, mais désolée des preuves qu'elle lui en donnait dans ce moment, la conjura de se calmer, de se taire, tandis qu'elle-même ne pouvait à peine retenir les larmes qui remplirent ses yeux au propos de Maria. Celle-ci les sentit sur sa joue. « Tu pleures, » lui dit-elle. « Les méchants font pleurer, mon Elinor. » Et alors elle fondit en larmes. L'attention de chacun fut excitée, et tout le monde eut l'air consterné. Le colonel Brandon, qui depuis le commencement de cette scène avait eu les yeux attachés sur Maria, l'admirait bien plus qu'il ne la blâmait. Ce cœur si brûlant, cette sensibilité si active pour ceux qu'elle aimait autant que pour elle-même, l'attachait toujours davantage à cette jeune personne. Lorsqu'elle éclata en pleurs et en sanglots, il se leva, vint près d'elle presque involontairement et prit sa main qu'il serra entre les siennes. Elinor soutenait sur son sein la tête de sa sœur et ne pensait plus à Edward. Madame Jennings disait « Pauvre enfant, pauvre petite, la moindre chose attaque ses nerfs », et elle lui faisait respirer son flacon de sel. Madame Ferrars levait les épaules en parlant à sa fille. Lady Middleton regardait avec son air glacé. Monsieur Palmer bâillait près du feu en tenant les malheureux écrans, cause première de ce trouble. Les deux Steels riaient et chuchotaient dans un coin. Sir George était enragé contre le traître Willoughby, seul auteur, disait-il, de cette faiblesse de nerfs, et s'établissant entre les deux petites cousines Steels, qui étaient encore ses favorites, il leur conta toute l'affaire, qu'elle savait aussi bien que lui, en s'emportant contre l'homme abominable qui mettait une fille charmante dans cet état. Au bout de quelques minutes, Maria fut un peu remise. Elinor voulait la faire passer dans une autre chambre. Mais Madame Dashwood dit qu'il n'y en avait point de libre et que l'attaque de nerfs une fois passée, Maria serait aussi bien au salon. Elle resta donc à côté d'Elinor et sans dire un mot de la soirée. « Pauvre Maria, » disait son frère à voix basse au colonel Brandon. « Elle n'a pas une aussi forte santé que sa sœur. Elle est très nerveuse, au lieu qu'Elinor n'est jamais malade. Je suis sûr qu'elle n'a pas coûté une guinée en médecin depuis qu'elle est au monde. Mais la pauvre Maria... Sa santé est détruite aussi bien que sa beauté, et c'est sans doute ce dernier point qui l'afflige. C'est bien naturel, en vérité, si jeune encore. Pourriez-vous croire qu'il y a peu de mois qu'elle était belle à frapper, presque aussi belle qu'Elinor? À présent, quelle différence! Elinor est charmante et ne changera jamais. C'est un genre de beauté qui sera toujours le même, je puis en répondre. Je l'espère, dit le colonel. Et que Mademoiselle Maria retrouvera bientôt ses charmes. Hélas, elle n'en avait encore que trop pour lui, et jamais elle ne lui avait paru aussi intéressante, aussi digne de toute son adoration. Après le thé, on fit des parties de jeu. Mesdames Ferrars et Jennings s'établirent à un grave whist avec Sir George et M. Palmer. Elinor fut surprise de cet arrangement. le colonel Brandon, à qui son frère et sa belle-sœur avaient fait tant d'honneur, avait dans son idée plus de droit à cette partie, et par son âge et par son habileté au whist, que M. Palmer, qui, malgré son apathie, ne parut pas trop content d'être le partenaire des deux grands-mères. Mais M. Dashwood n'avait garde de séparer sa sœur Elinor de son futur époux, le colonel Brandon. Lady Middleton n'aimait que le casino, et le colonel ne le savait presque pas, mais n'importe. Il fallut, bon gré mal gré, qu'il se mît à cette partie, ainsi qu'Elinor, qui aurait bien préféré ne pas jouer et rester avec sa sœur. Mais elle eut beau conjurer ou son frère ou Fanny de prendre sa place, elle ne put l'obtenir. M. Dashwood se mit à côté du colonel pour lui apprendre le casino. Anna Seals fit le quatrième, Fanny se mit en cinquième dans la partie des mères. Lucie, tantôt à côté d'elle, lui parlait de tout ce qui pouvait lui plaire, tantôt à côté de Madame Ferrars, s'intéressait à son jeu, vantait son habileté au whist, à laquelle la bonne dame avait de grandes prétentions, enfin faisait sa cour de son mieux. Maria était laissée seule à ses tristes pensées et ne s'en plaignait pas. Absorbée dans ses réflexions, dans ses souvenirs, et bien loin du salon de Madame John Dashwood, elle n'entendit pas même ouvrir la porte et Fanny s'écrier « Ah, voilà mon frère !» Mais Elinor ne l'entendit que trop. Son sang reflua vers son cœur qui battit avec violence, et ses yeux baissés sur ses cartes, sans en distinguer une, elle s'efforça de reprendre son courage accoutumé. Enfin, quand elle crut y avoir réussi, elle tourna ses regards d'abord sur Lucie, qui était restée à sa place, dont la physionomie n'exprimait rien, mais dont les yeux perçants suivaient celui qui venait d'entrer. Elinor était placée de manière à ne pas le voir, et n'en était pas fâchée lorsque son frère s'écrie « Ah, voilà enfin Robert, d'où diable venez-vous? Nous avons dîné depuis 2 heures. » Elinor respire, ce n'est pas Edward. Robert s'avance auprès de son beau-frère. Elle reconnaît d'abord le merveilleux à la boîte à cure-dents qu'il avait si fort impatienté chez le bijoutier. Sans doute il la reconnut aussi. Il la salua d'une inclination de tête d'un air affecté. Son costume avait toute l'extravagance de la mode française, encore exagérée, et présentait vraiment quelque chose de très ridicule. Une crête ébouriffée, un col de chemise remontant jusqu'au coin des yeux, un frac étroit, un gilet de 2 doigts, un pantalon qui lui montait jusque sous les bras, un frac de 2 doigts, un pantalon qui lui montait jusque sous les bras, un fracas de cachets et de bagues, un bouquet à la boutonnière, enfin tout ce qui constituait alors l'élégance des jeunes gens qu'on appelait des incroyables. L'émotion d'Elinor avait fait place à l'étonnement. Elle ne pouvait comprendre que ce fût là le frère du simple, du timide Edward. Il dit légèrement à son beau-frère que, sur sa parole, il avait tout à fait oublié son dîner, que dans la foule de ses engagements, ses oublis lui arrivaient souvent, et promenant sa lorgnette sur les jeunes dames, il daigna ajouter « Sans doute, j'ai beaucoup perdu. Cette langoureuse beauté auprès de la cheminée, est-ce une de vos sœurs, John ?» en désignant Maria. « Oui, la cadette, très jolie autrefois, sur mon honneur, mais la pauvre enfant est malade. » Robert ne l'écoutait pas, sa lorgnette était dirigée sur la jolie toque à plumes de Lucie. « Cette petite personne est délicieusement coiffée, » reprit-il. « Mais je dis délicieusement. » « Cela vient de Paris. Je crois l'avoir remarqué au magasin de Huxley. Très jolie, sur ma parole. Du dernier goût. » « Et la jeune personne aussi. C'est Miss Lucy Steele, parente de Lady Milton. Et Edward, où diable se tient-il ? » ?»« Où je ne suis pas, sans doute. Nous n'allons point ensemble. Il y a 8 jours que je ne l'ai vu. » Il s'approcha de sa mère, dont il était le favori, et qui lui dit « Bonjour, Robert. » Avec un air assez affable, il adressa quelques mots à Lucy sur sa délicieuse coiffure, dont elle eut l'air très flattée. Peu après, les parties finirent et l'on prit congé les uns des autres, au grand plaisir des 2 sœurs à qui la journée avait été ennuyeuse et pénible.